Voici un écrit du commentateur du journal Rodong Sinmun du 6 janvier, titré « Que signifie le débarquement d'Abe au port de la Perle ?» Il a écrit « Du 26 au 27 décembre de l'année passée, le premier ministre japonais Abe a fait sa tournée au port de la Perle d'Hawaï des États-Unis. Ses prédécesseurs n'ont effectué une telle tournée au cours de leur mandat. Abe a fleuri et s'est incliné devant le cimetière national commémoratif du Pacifique des États-Unis et au musée de navires de guerre Arizona à Honolulu d'Hawaï. À la conférence au sommet, à la conférence de presse commune et à d'autres, il a dit qu'il chérit le souvenir des Américains morts et qu'il espère que le port de la Perle soit un symbole de la réconciliation. Lors de l'entretien avec Obama, il a perjuré qu'il faut élargir l'alliance nippo-américaine et renforcer davantage l'alliance militaire tripartite avec les États-Unis et la Corée du Sud pour la paix et la sécurité en Asie-Pacifique. Abe a parlé beaucoup ici et là, mais il a chéri la mémoire des victimes par manière d'acquis et n'a présenté aucune excuse ni réflexion pour les crimes du passé. La tournée d'Abe montre l'ambition sournoise des réactionnaires japonais qui n'hésitent à rien pour leurs intérêts, et leur visée de réaliser la réagression par la collaboration militaire avec leur suzerain. Elle vise à user de représailles contre Obama qui l'a humilié à Hiroshima l'année dernière et a quémandé le maintien de l'alliance nippo-américaine qui est en état alarmant à cause du nouveau suzerain qui va occuper la Maison-Blanche. Abe veut réaliser l'ambition de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale sous prétexte de la paix, c'était la tournée d'un chef militariste pour la guerre. Abe s'acharne pour la régression, mais il ne peut éviter le même sort que l'ancienne armée impériale. Notre république est devenue une puissance nucléaire et militaire de l'Orient. S'il tente la régression contre la péninsule coréenne en défi de cette réalité, l'archipel japonais entier connaîtra le même sort que Hiroshima. À cause du bellicisme d'Abe ambitieux de la régression contre l'Asie et la péninsule coréenne à l'aide des États-Unis, le Japon sera submergé.